Oui, bonjour, c'est au sujet de mon investissement locatif. Oui, pour l'offre de prêt. Comment? Il y a eu une erreur? Une ligne à zéro? Non, la ligne d'apport, c'est normal qu'elle soit à zéro. On avait convenu que je ne mettais pas d'apport. C'est impossible. D'accord, aucune banque n'acceptera de mon prêt sans apport. Ça m'étonne, j'ai plein d'investisseurs qui me disent le contraire. Ah d'accord, des menteurs. Bon, peut-être alors. Ben, je vais regarder comment je fais et puis je vous rappelle. Au revoir. Et je crois qu'il m'a pris pour un gros gros pigeon, hein. Salut à toi, tu es sur la chaîne où on parle d'investissement rentable et sécurisé. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te dire pourquoi l'investissement immobilier n'est pas réservé qu'aux riches, pourquoi les banques n'aiment pas ne prêter sans apport et pourquoi ils n'aiment pas financer les frais de notaire. Mais avant ça, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à passer à l'action et à devenir des investisseurs rentables. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu peux la télécharger dès maintenant gratuitement. Elle se trouve dans le lien de la vidéo, en dessous, au-dessus. Débrouille-toi, normalement tu devrais trouver. Pourquoi il est intéressant de passer à l'action maintenant et d'investir massivement? 1. Les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Et 2. Surtout, en France, nous sommes l'un des derniers pays dans lesquels on peut investir avec pratiquement aucun apport, voire zéro apport. Il y a beaucoup de pays où on est plutôt à 20, 30, 40% d'apport obligatoire pour investir. Je ne sais pas si t'as pas encore investi ou si tu as déjà investi ou même juste sur ta résidence principale. Imagine si on te demande 40% d'apport pour tous tes investissements. N'importe qui, hein, même quelqu'un qui gagne bien sa vie ou qui a des investissements rentables, va se trouver très vite limité. Aujourd'hui, en France, et on ne sait pas encore pour quelle durée, on peut emprunter avec quasiment zéro. Mon dernier investissement à hauteur de plus de 200 000 euros, je vais mettre environ 2 000 euros dedans. Donc, on a cette chance-là de pouvoir emprunter sans apport. Il y a quelques techniques à mettre en place pour pouvoir le faire. Je vais te les expliquer juste ensuite. Mais profite de ça, dis-toi qu'en France, on a cette chance-là et que ce n'est pas donné à tous les pays du monde, tous les pays d'Europe. Donc, fonce sur l'investissement immobilier, ne serait-ce que pour cette chance-là. Maintenant, un petit point de théorie. Je vais t'expliquer juste pourquoi les banques n'aiment pas financer les frais de notaire et c'est assez simple, tu vas vite comprendre. En fait, la banque, elle veut bien te prêter de l'argent, donc selon son scoring, etc. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, j'adore ça. Elle veut bien te prêter de l'argent, mais elle veut juste être sûre d'être payée. Donc, quand tu achètes un bien à 100 000 euros, la banque se dit que si dès le premier jour où tu as acheté, tu as un problème pour rembourser, bah, elle n'aime pas ça, mais elle dit au moins elle peut se servir sur le bien, il vaut 100 000 euros, je te fais un prêt à 100 000 euros, hop, je finis à zéro, j'aurai quelques démarches et elle n'aime pas ça, mais au moins elle finit à zéro. Maintenant, le même bien à 100 000 euros, si tu lui demandes les frais de notaire, donc tu vas être à 108 000 euros, donc elle se dit quoi dans sa tête là-bas? Elle se dit que si tu as un problème le premier jour après la signature de l'acte de vente et qu'elle doit saisir ton bien pour le revendre, elle va le revendre à 100 000 euros, du coup elle va perdre 8 000 euros. C'est l'une des raisons majeures pour laquelle la banque n'aime pas prêter au-dessus du prix du bien. Elle n'aime pas prêter les frais de notaire. Il y a deux techniques que je vais te donner tout de suite pour éviter ça. La première, c'est faire payer tes frais de notaire par le vendeur. On appelle ça l'acte en main. Donc tu demandes, ça va pas coûter grand, ça coûte rien même à ton vendeur que de prendre en charge ses frais de notaire. Il va juste pas avoir l'habitude qu'on lui pose la question. Donc passe par ton notaire, demande-lui de voir avec le notaire vendeur si cela est possible. Si tu fais ça, du coup, de ton côté, dans ton dossier, tu élimines d'une certaine manière les frais de notaire. Ta banque va te prêter exactement le montant de ton bien. Le montant du bien sera dans ce cas-là 208 000 euros. Donc tu seras financé sans apport. La deuxième possibilité, si jamais la première n'a pas marché et que le vendeur, par exemple, n'a pas voulu, c'est d'aller voir la banque et avec une petite carotte, un petit truc supplémentaire. Tu vas par exemple lui proposer d'amener une épargne, d'amener un petit PEL, de prendre l'assurance habitation chez elle. Tu vois, tu fais ta négociation Est-ce que si elle t'a déjà demandé tout ça, bah, tu vas avoir des petits problèmes. Mais si elle t'a pas encore demandé, par exemple, une compensation pour un prêt immobilier avec des conditions sympathiques, etc., bah, tu lui ramènes, tu lui proposes. Voilà, est-ce que ça serait possible peut-être de faire un effort pour aller vers le prêt sans apport? Pour cela, je suis prêt à vous mettre 15 000 euros d'épargne. Je suis prêt à vous transférer un livret A, un PEL, à prendre l'assurance habitation chez vous, à rapatrier l'assurance auto. Tu peux te débrouiller. Au final, tu ne seras pas marié parce que tous ces trucs-là, au final, tu peux les couper très rapidement. Alors, je te conseille, par rapport à la relation que tu vas commencer avec ta banque, de ne pas les couper au bout d'un mois. Parce qu'honnêtement, ils ne vont pas trop apprécier. Maintenant, au bout d'une année, tu peux les couper. Ta conseillère ou ton conseiller, ça va être rentré dans ses chiffres et il aura atteint ses objectifs. Donc, tout le monde sera content. Donc, je t'ai donné deux techniques simples, basiques, mais qui vont marcher pour pouvoir avoir ton bien sans apport. Je reviens sur la deuxième technique, une petite seconde juste pour les banques en ligne. Pour le moment, oublie, ça ne marche pas, tu ne peux pas y aller avec la carotte, tu auras forcément les frais de notaire à payer si tu vas vers une banque en ligne. Pour le moment en tout cas, de mon expérience et de ce que j'entends, tu ne pourras pas ramener cette carotte, ça ne sera pas efficace comme une banque physique, comme une BNP Paribas, Crédit Agricole ou autre. Donc voilà, donc les deux techniques. La première, tu fais un acte en main, tu fais payer les frais de notaire par le vendeur. Et le deuxième, si jamais il ne veut pas, tu utilises une autre technique, la technique de la carotte. Tu ramènes quelque chose à ton conseiller au dernier moment pour lui dire voilà, je vais faire un effort d'épargne, je vais faire un effort d'achat de produits chez vous. Est-ce qu'au retour, vous pouvez me faire un financement qu'on appelle à 110%? Normalement, ça devrait marcher. Dans mon cas, ça a marché il y a à peine 3 semaines. Donc, je t'encourage fortement à le faire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un gros pouce, à me mettre un commentaire si jamais tu es d'accord. Si jamais tu as une autre technique de ninja pour faire sauter et pour avoir accès au prêt sans apport sans aucun problème, mets-moi une technique dans les commentaires, tu en feras profiter la communauté. N'hésite pas à partager la vidéo si tu connais des personnes dans ton entourage, amis, parents, collègues qui voudraient se lancer dans l'investissement immobilier mais qui ont un petit peu peur de passer à l'action, ben, dis-leur que j'existe, partage-leur mes vidéos. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'est totalement gratuit, c'est du contenu de qualité et gratuit. En tout cas, d'ici là, d'ici les prochaines vidéos, je te dis porte-toi bien. À très bientôt. Ciao, ciao.